des aulnes, mon copain des soleils d'hiver. On l'avait surnommé Grand Maulne et je l'aimais bien qu'il soit fier. Il était là depuis l'automne, comme le vent, comme la pluie. Adieu les soirées monotones, sur le piano des jours enfuis. Je rêve d'étranges pays, je rêve de refaire avec lui du Grand Maulne le voyage au bout de la nuit. Je rêve d'une symphonie, d'un piano qui joue dans la nuit du Grand Maulne, si ma mémoire ne m'a pas trahi. De lointains rivages, il cherchait son domaine perdu, comme le bohémien sans bagage, avec ses amours disparus. Un soir de fête, un soir d'orage, près des étangs des roseaux gris, tout frissonnant mon cœur voyage sur le piano des jours enfuis. Je rêve d'étranges pays, je rêve de refaire avec lui du Grand Maulne le voyage au bout de la nuit. Je rêve d'une mélodie, Beethoven, la 9e symphonie du Grand Maulne, si ma mémoire ne m'a pas trahi. Des aulnes, mon copain des soleils d'hiver. On l'avait surnommé Grand Maulne et je l'aimais bien qu'il